Comment parlait-on des pauvres dans l'Antiquité grecque? Les études qui se sont penchées sur les représentations de la pauvreté dans la Grèce du 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ ont montré que les pauvres ne constituaient pas à cette époque une catégorie sociale homogène. Le vocabulaire pour les nommer était varié. Le mot « aporos », par exemple, servait à désigner celui qui n'avait pas les moyens de se procurer les revenus nécessaires à sa subsistance. Il s'agit là de la dimension proprement économique de la pauvreté. Le mot « adunatos » était employé par ceux qui voyaient dans ces privations une forme d'infirmité, en présentant les pauvres comme des individus dépossédés d'une partie des facultés propres aux êtres humains. En insistant sur les handicaps qui découlent du fait d'être pauvres, les écrits des grands orateurs grecs des 5e et 4e siècles avant notre ère ont dessiné les contours d'une terminologie plus sociale. La pauvreté apparaît alors comme une forme de servitude pour celui qui ne possède pas sa propre terre et qui, de ce fait, est condamné à travailler pour autrui. On retrouve aussi ce type de raisonnement dans certaines comédies d'Aristophane. Le terme « ptokos », qui désignait le mendiant perçu comme un parasite social, est sans doute l'un des plus anciens vocables qui ait été inventé par les lettrés pour dire l'extrême pauvreté. Il renvoie à une autre forme de contrainte, celle qui oblige les individus à solliciter la charité en se plaçant du même coup dans la dépendance des plus riches. L'étude des sources iconographiques a permis de mettre au jour des images de la pauvreté autres que celles bien connues d'Ulysse déguisé en mendiant pour rentrer chez lui et se venger. Dans les figurines de terre cuite hellénistique, les signes extérieurs qui symbolisent la pauvreté privilégient la maigreur, conséquence de la malnutrition, la vieillesse, l'usure prématurée du corps et les haillons. Loin d'être vraiment réalistes, ces figurines, souvent proches de la caricature, étaient une façon pour les plus aisés d'éloigner le mauvais œil, c'est-à-dire les coups du destin qui risquaient de les faire tomber, eux aussi, dans la pauvreté. Cette vision misérabiliste des pauvres s'accompagnait fréquemment de récits dénonçant leur bassesse morale et leurs mensonges en les accusant de piller les autels et de dérober les offrandes aux dieux. Toutefois, ces discours négatifs n'empêchent pas qu'en Grèce ancienne, le pauvre était un personnage familier dans le cadre urbain. Constamment présent aux alentours des sanctuaires, il avait sa place aussi dans les espaces ouverts, comme les portiques publics, les porches ou le seuil des maisons. Parce qu'il était partiellement intégré dans la société de son temps, le pauvre est devenu un enjeu de premier plan dans les discours politiques, comme le montrent à Athènes les plaidoyers des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Cette présence de la pauvreté dans les représentations collectives explique aussi que la tentation de jouer aux pauvres ait été assez fréquente à différents moments de l'histoire grecque. Pour les élites, cette valorisation du dénuement était une façon de se singulariser dans la cité en prônant un retour aux valeurs originelles.